Parce que là, l'arme s'est enrayée, il y a des techniciens qui ont peut-être joué les rôles, sinon il aurait pu avoir un carnage, il y avait tout ce qu'il faut là. Il y avait tout ce qu'il faut pour que ça tourne au carnage. Et là, il va falloir aussi qu'on lâche un petit peu le registre des armes à feu. Hier, ce matin, je suivais ça sur Twitter, puis il y a un artiste là qui a trouvé le moyen de dire comment ça se fait que l'arme n'était pas enregistrée. C'est un AK-47. Ça peut pas être enregistré, cette arme-là. Mais non, c'est une arme illégale. Puis les malades, puis les fous, ils s'occupent pas de la loi, eux autres. Voir si les fous vont dire, mais là, j'aimerais ça aller faire un massacre, mais vu qu'il y a un registre, ben, je le ferai pas. Hey, tu sais, lâcher le registre, puis lâcher ça, là, il faut comprendre comment ce malade mental-là en est arrivé à déraper à ce point sans que personne dans son entourage s'en aperçoive. Myriam, je t'interromps juste une petite seconde, parce que tu dis tu regardais ça, tu suivais ça sur Twitter. Je viens de voir quelque chose, là, je trouve ça épouvantable, c'est le Twitter du Parti conservateur du Québec. Je sais pas si tu as vu ça. Ils écrivent « Depuis le début de la campagne, nous avons dénoncé les wedge issues que Mme Marois et son équipe utilisaient. Plusieurs commentaires que nous avons reçus ici nous faisaient craindre le pire. Mme Marois doit prendre le blâme de cet incident. » Il n'y a personne qui peut prendre le blâme de l'incident. Moi, je pense que depuis longtemps au Québec, un de nos problèmes, c'est qu'on ne suit pas les malades mentaux comme du monde. Ouais. On pousse ça en dessous du tapis. Si au lieu d'enregistrer les armes à feu au coût de 2 milliards de dollars, on avait investi 2 milliards de dollars dans la santé mentale, dans la détection précoce, dans un réseau d'alerte, on aurait probablement sauvé plus de vies qu'en enregistrant les armes à feu. Hey, il y a quelques années, il y a déjà eu 5000 patients à Robert-Giffard. Il en reste ce matin, il y en a 50. Oui. Et pourquoi tu penses que les maisons de sans-abri grossissent? Parce que ces gens-là sont pas aptes à se gérer. On les voit ici, là, l'ancien maire Saint-Roch, à Beauport. On les voit, ce monde-là. Ils sont là, ils ont pas disparu, ils sont juste dans nos rues, dans nos cours. Alors, il va falloir comprendre l'événement. Il va falloir comprendre aussi comment ça se fait que les trois sorties étaient pas sécurisées. Ça, c'est un bout que je comprends pas dans la couverture policière, et ça cadre pas avec ce à quoi toi puis moi on a assisté. Et il va falloir aussi qu'on arrête de justifier les illégalités par la noblesse d'une cause. Moi, quand on me dit, j'ai continué, j'ai porté une cagoule puis j'ai empêché des gens de rentrer dans le cégep parce que même si c'est contre la loi, c'est noble ma cause, ça marche pas. On ne peut pas dans une société civilisée justifier des illégalités par la noblesse d'une cause. Ouais, j'ai fait la remarque à Agnès Maltais. Elle l'a pas aimé ce matin, mais on a le droit d'être en désaccord. Mais j'ai dit, moi, des cagoules, là, je dénonce évidemment fermement et sans nuance ce qui s'est passé hier contre le PQ, mais ça fait un an que j'envoie des cagoules à Montréal et ils sont pas toujours dénoncés parce qu'on est en bonne gang. En as-tu reçu une hier matin? Une quoi? Une cagoule? Non. Moi, j'en ai reçu une hier matin. Ah ouais? Oui, une enveloppe brune accrochée avec un carré rouge après ma porte. Oui. Le communiqué des insurgés qui justifie des gestes illégaux puis qui se feront cagouler pour manifester contre l'oppression de l'État. Non, regarde, qu'importe la cause, qu'importe t'es à gauche ou à droite, fédéraliste, souverainiste, la violence, elle n'est jamais justifiée. À un moment donné, il va falloir qu'on mette, puis il faudra qu'on arrête de dire, mais dans certains cas, il a peut-être été provoqué par Charest qui a pas voulu les écouter ou c'est parce que... Non, et tout le temps. Non, il y a rien, puis ça a été la faiblesse de Pauline Marois et d'après moi, c'est pour ça qu'elle est minoritaire ce matin. C'est que, au lieu de calmer le jeu quand la rue s'énervait, elle a alimenté le feu. En justifiant ceux qui, en justifiant systématiquement ceux qui protestaient, ceux qui bloquaient les portes, en disant, c'est la faute à Charest, puis garde. Je pense qu'elle vient de payer d'un gouvernement majoritaire le port du carré rouge. Ouais, parce que là, si on revient un peu à l'élection, ce sera pas facile pour elle. C'est pur et dur, on va y pousser dans le dos, mais elle est menottée. Avec une opposition comme ça devant elle peut pas faire grand-chose.